tire haut à sa fenêtre, regarde la neige tomber, le fleuve va déborder, demain peut-être. Le noyer frappe au carreau, le patron va téléphoner, les voisins ne vont pas tarder pour l'apéro. Mais à l'heure sacrée du pastis, comme c'est étrange, comme c'est bizarre, personne encore, ils sont en tas, les vieux complices. Pierrot ce soir sera tout seul, les copains sont restés chez eux, boire tout seul ça l'ennuie un peu, il fait la gueule. C'est alors qu'il entend frapper à la porte, peut-être le frangin vient-il avec deux ou trois copains. Il crie « Entrez !» Au lieu de ses amis attendus, soudain une superbe créature arrive en manteau de fourrure. Je me suis perdu. Pierrot est un gars bien serviable, il a fait vite entrer chez lui. T'as faim, on se fait des spaghettis. Il met la table. Elle dit, je te trouve à mon goût. Et puis j'ai froid, viens me réchauffer. J'ai les pieds, les fesses gelées. J'ai rien en dessous. Elle écarte alors sa pelisse, étonné mais ravi Pierrot, pose un baiser bien comme il faut sur sa police. Comment tout ça va-t-il finir? Comme il se doit, on s'en doute bien, car Pierrot c'est un chaud lapin. Les soirs d'hiver au bord de Seine, il fait de drôles de films parfois. Quand c'est à Cupidon que l'on doit la mise en scène, Pierrot à sa fenêtre regarde la neige tomber, le fleuve va déborder, demain peut-être.